France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous, bienvenue dans la marche des sciences, émission spéciale Grand Portrait, consacrée aujourd'hui à Jean-Loup Chrétien. Alors Jean-Loup Chrétien, on peut le définir comme étant un pilote de chasse, un pilote d'essai, un cosmonaute, un astronaute et un spationaute, et surtout un homme qui a plusieurs facettes et qui a toujours été une personne extrêmement bien appréciée, en particulier par les Russes et les Américains, et aussi par les Européens. Mais quand je suis arrivé pour la première fois en Russie avec Jean-Loup Chrétien pour le premier entraînement, j'ai compris à quel point il avait laissé un très bon souvenir dans la mémoire des Russes. Comme le disait son ami et complice de l'aventure spatiale Michel Tonini, Jean-Loup Chrétien capitalise les bonnes appréciations, ce qui n'est peut-être pas pour rien, dans son odyssée étoilée. Son caractère, il l'a forgé sur les terres bretonnes, bien déterminé à suivre ses rêves d'enfant, quelles que soient les interdictions émises. Premier Français à avoir marché dans l'espace, ce général de brigade, ingénieur de l'école de l'air, pilote de chasse, a fait rêver des millions de ses compatriotes en symbolisant cette aventure scientifique enivrante. C'était le temps des hommes, des grandes missions spatiales, Soyouz, Atlantis, Salyut, la station russe Mir, entre autres. De la guerre froide à la coopération internationale et à l'aube de voir se constituer demain un village lunaire, retour sur ce temps de la science et des hommes, le parcours et les réalisations d'un aventurier en apesanteur. Jean-Loup Chrétien est notre invité aujourd'hui sur France Culture, une émission émaillée d'interviews surprises réalisées auprès de proches de notre invité par Céline Duchesnet et d'archives sonores de l'INA choisies par Anaï Morales. L'espace, le rêve d'un gosse, la vie d'un homme. Allô, allô, fusée lunaire, nous entendez-vous? Répondez. Allô, ici la Terre. La Terre. Milou, la Terre nous appelle, mais c'est merveilleux. Vite, vite le micro. Allô. Allô, allô. Allô, ici fusée lunaire. C'est Tintin qui vous parle. Je viens seulement de reprendre connaissance après Milou. Tonnerre de Brest. Oh, quel cauchemar. Oh, j'ai eu l'impression qu'on me passe sur la minoire. Et vous? Ah, c'était un peu ça aussi, oui. Oh. Allô, la Terre? Allô, ici, fusée lunaire. Quoi? Oui, le capitaine Haddock vient de se réveiller en pleine forme. Mais dites-en, petit plaisantin, vous n'allez pas me faire croire que nous sommes en route vers la Lune, mais non? Si, capitaine, mais si. Oh, ne vous payez pas ma tête, hein, fiston. Oh. Bonjour, Jean-Loup Chrétien. Bonjour. Alors, c'est un destin hors norme hein, que fut le vôtre, un parcours devenu un modèle pour d'autres jeunes gens. Et puis surtout, un rêve de gamin. Ce rêve de gamin naît probablement dans les livres. Hein, Tintin, Hergé, Jules Verne. Tout à fait. J'avais dévoré les premières bandes dessinées de l'époque, de mon adolescence. Donc, celles dont on vient de faire référence. On a marché sur la Lune. On a marché sur la Lune. À l'époque, c'était dans le magazine Tintin, qui était publié tous les 8 jours. Et oui, et là, on vient d'entendre en fait une archive de l'INA, Les Aventures de Tintin, datée du 7 janvier 1961, et qui passait à l'époque sur les antennes de la radio-télévision française. Ah oui, merveilleux. Et donc vous lisiez ça dans ces magazines? Dans ces magazines, et c'est vrai qu'on ne parlait pas encore, à part les bandes dessinées, on ne parlait pas d'hommes dans l'espace, et d'hommes en apesanteur. Et encore moins d'hommes sur la Lune. Et puis c'est venu très vite, puisque moins de 10 années plus tard, j'étais à l'école de l'air à Salon de Provence, et c'était l'époque du vol de Youri Gagarin. Et puis, moins de 10 ans plus tard, les Américains débarquaient sur la Lune. Donc tout s'est fait très très vite. Exactement, dans ce temps, mais ce temps aussi qui est celui pour vous du gamin que vous étiez, vivant sur ces terres bretonnes. Et puis donc, on peut peut-être s'intéresser à cette enfance, Jean-Loup Chrétien. Est-ce qu'il y a des moments, des rencontres justement dans votre enfance qui ont pu jouer un rôle dans cette vocation? Et je crois que c'est une vocation qui allait contre l'avis de vos parents. Un petit peu. J'ai vécu l'époque de la guerre. Nous étions survolés là où nous habitions en Bretagne, donc au bord de la mer, tout près du terrain d'aviation de Morlaix. Nous étions régulièrement survolés par des avions de chasse allemands et puis alliés, qui en plus venaient un petit peu bombarder le coin. Alors, est-ce que ça a été déterminant? J'étais trop jeune pour savoir un peu ce qui se passait dans ces machines. Après la guerre, donc en 1946, j'avais pu lire quelques livres qui rapportaient à l'activité aéronautique française, alliée, allemande, etc. Et surtout, lire le livre de Klostermann, Le Grand Cirque, qui effectivement avait été assez déterminant. Et puis des rencontres, on va s'en rendre compte justement dans votre parcours, Jean-Luc Chrétien, mais des rencontres. Alors vous étiez peut-être un petit peu jeune à l'époque, on va vous faire entendre une autre archive sonore trouvée dans les fonds de l'INA. Il s'agit de la visite du général de Gaulle à Brest le 21 juillet 1945. Je rappelle que vous êtes né en 38, alors vous aviez 7 ans à peu près à ce moment-là. Ça a été diffusé sur la radiodiffusion française et voici ce qu'il disait à l'époque. Voici cette grande ville maritime de France, détruite. Presque de fond en comble, abritant dans ses décombres une population résolue à rebâtir la cité, mais freinée dans son ardeur par le manque de moyens. Sans doute nous trouvons-nous ici, en un lieu qui a subi le paroxysme de l'épreuve. Et si les blessures reçues par la patrie ne l'ont pas atteinte dans l'ensemble aussi profondément que Brest, sa chère fille, il est bien vrai cependant que la France entière est blessée. Vive Brest, vive la Bretagne et vive la France. Alors, est-ce que vous aviez assisté à cette visite du général de Gaulle? C'était le 21 juillet 1945 à Brest, Jean-Luc Chrétien, même si vous étiez petit à l'époque. Alors, j'avais assisté au passage de l'armée américaine, donc qui remontait vers l'ouest, et qui franchissait nos villes les unes après les autres, donc la nôtre, Morlaix, qui n'était plus qu'à 50 km, un peu plus, de Brest. Et le passage du général de Gaulle s'est fait, je crois, quelques jours plus tard. Mais je me souviens bien des 2 ou 3 jours de la remontée des troupes alliées à travers Morlaix. Notre famille avait abrité 2 jeunes parachutistes depuis 48 heures, donc qui avait sauté un peu avant au moment de l'arrivée des troupes alliées. Donc je me souviens de ces 2 parachutistes qui nous montraient leur jouet, entre guillemets, miroiter leur boule phosphorescente qu'ils avaient pour éclairer leur carte, etc. Donc il y avait ces souvenirs-là sont bien gravés dans ma mémoire. Et alors, vos parents étaient des scientifiques pour, comme ça, vous pousser un petit peu vers cet univers-là ou pas? Non. Mon père était officier de marine. Et donc, n'était pas présent pendant toute cette période de la guerre. Ma mère s'occupait de ses enfants. Oui. Votre parcours scolaire, en fait, on a le sentiment, quand on lit vos souvenirs, laissés notamment dans le livre Rêve d'étoiles, écrit avec Catherine Alric, c'est que c'était plutôt un parcours scolaire subi. Vous avez connu la pension, vous parliez un petit peu d'enfer, c'est-à-dire que, du coup, vous étiez doué pour l'imagination et le rêve, mais ça ne collait pas forcément avec la discipline de l'époque. Oui, c'est... Je pense que je n'étais pas discipliné. Et choisir une carrière militaire ensuite n'était pas forcément approprié. Je n'étais pas très doué pour la discipline. Et les études avaient un gros inconvénient, c'est qu'on était enfermé entre 4 murs et qu'il fallait se consacrer donc à ce qui se passait entre 4 murs. Et ça ne m'allait pas du tout. Et donc j'avais souvent le nez tourné vers les fenêtres et puis les portes. Et dès que je pouvais être dehors, j'étais dehors. Et le nez tourné donc vers les fenêtres, vers le ciel, là vous allez reconnaître ce son peut-être, Jean-Luc Chrétien. C'est le son du Spoutnik. Oui, le Spoutnik. Et oui, lancé le 4 octobre 1957. Alors, vous étiez encore dans les études, parce qu'en 1949, vous entrez en 6e au lycée de Morlaix. Le premier vol que vous effectuez, c'est le 5 mai 1955 à Saint-Brieuc, sur un Jodel D-112. Et donc, et vous entrez à l'école de l'air, vous l'avez dit, en 1959. Mais entre-temps, il y a ce fameux lancé, le premier satellite artificiel russe lancé dans l'espace. Tout à fait. Et j'étais en Mathélem à l'époque, et autant que je me souvienne, la question du bac en physique portait sur le lancement d'un satellite. Et alors ce basculement, finalement, donc vous entrez à l'école de l'air en 59, votre mère ne voulait pas que vous deveniez pilote? Ma pauvre mère avait 2 cousins germains qu'elle aimait beaucoup, 2 frères, Et le premier a été pilote dans la Royal Air Force pendant la guerre et a été descendu sur son Spitfire en rentrant de mission, donc sur la Manche. Donc ça a été une perte douloureuse. Donc l'aviation n'était pas forcément bien vue après ça. Et puis son deuxième frère était lui artiste, était peintre, et beaucoup d'artistes dans la famille. Et comme j'avais une attirance aussi pour le milieu artistique, ça faisait la conjonction de deux éléments qui n'étaient pas très bien vus dans la famille. Oui, qui avait de quoi l'inquiéter. Mais finalement, vous êtes têtu. Hein. Est-ce qu'on peut dire têtu comme un breton, Jean-Loup Chrétien? Je ne sais pas, j'ose quand même. Ouais, sinon, je serais devenu marin. Hein. Là-bas, il y a beaucoup de marins. Et puis donc, cette vocation peut-être, est-ce qu'on peut dire que vous aviez cette vocation de vous mettre au service de la nation? Ah, j'étais attiré par il y avait le métier de pilote, le métier d'aviateur, de pilote de chasse, et en même temps le métier d'officier. J'étais très attiré par l'armée de l'air. Alors ça, c'était peut-être la marque aussi de fabrique des années de la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que, par exemple, il y a quelques années, alors donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on était survolé régulièrement par ces avions allemands qui partaient du terrain qui était juste à 1,5 km à vol d'oiseau, une longueur de piste. Et un jour, il y a quelques années, j'étais sur ma colline, en train de ramasser je ne sais quoi, enfin j'étais dans la campagne sur cette colline, et j'entends un bondissement, et on est survolé à très basse altitude par un avion qui était la copie conforme des avions de ces années 40. Et ça a été très curieux comme effet, parce que j'ai eu l'impression que c'était irréel, alors qu'en fait c'était bien réel. C'est quelqu'un qui avait fabriqué en fait une copie d'un deux-voitines, dans l'avion de cette époque-là, et qui venait de décoller du terrain de Morlaix, qui passait juste au ras de notre colline. Et la combinaison de la vision de cet avion que j'ai vu au dernier moment et du bruit qu'il faisait a déclenché une espèce de frémissement interne. Et j'ai été basculé 60 ans en arrière. Donc c'est sûr que les passage de ces avions, à l'époque, m'avait marqué. Et puis, je disais, donc, des rencontres aussi, ou des hommes, des moments de l'histoire qui ont pu jouer un rôle dans ce basculement qui va être le vôtre vers l'espace. Ce sont ces années de Gaulle. Je vous propose d'écouter justement le général de Gaulle en URSS le 23 juin 1966. Il est à Novosibirsk, en Sibérie, et il donne un discours sur la coopération scientifique entre la France et l'URSS. Culture, science, progrès. Voilà ce qui, à notre époque, au lieu des rêves de conquête et de domination d'antan, appelle et justifie les ambitions nationales. Voilà sur quoi doivent se rencontrer les peuples d'où procèdent aujourd'hui la civilisation moderne. Voilà dans quel but peut être scellée l'alliance nouvelle de la Russie et de la France. Une alliance qui va tout déterminer pour vous, Jean-Loup Chrétien. Ah, tout à fait. Elle est pleine d'anecdotes, pleine de tas de choses. Et nous célébrons d'ailleurs cette année, et en ce moment, les 50 ans de l'anniversaire, donc demi-siècle de coopération avec la Russie. Cette décision du général de Gaulle a été marquée de nombreux événements, a été effectivement déterminante pour moi-même, mais aussi pour pas mal de mes collègues. Et nous a permis de vivre notre rêve, de trouver une ouverture phénoménale vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous avait fait rêver. Et pour moi, le jour de cette sélection, de la fin de cette sélection et du départ, cet entraînement à Moscou a été une sorte de libération. Libération d'une vie où auparavant je m'étais emprisonné, où j'avais l'énorme plaisir de satisfaire mon rêve de pilote, mais petit à petit, il devenait peu de choses dans mon activité, puisque on demande à un officier d'armée de l'air, pilote de chasse, en vieillissant, d'oublier progressivement qu'il est pilote, surtout à cette époque-là, et de penser beaucoup plus à son avenir d'officier. Et là, ça cafouillait pas mal. Là, j'étais pas très très bien. Alors votre carrière va être rythmée par de longues périodes d'entraînement aux États-Unis ou en ex-URSS. Je rappelle juste pour les auditeurs que vous avez effectué 3 vols spatiaux, en tout 43 jours passés dans l'espace. Le premier vol habité du 25 juin, vous me dites si je me trompe, au 2 juillet 1982, sur une mission franco-soviétique, Soyouz 6 et Salyut 7, on va en parler. La deuxième expérience, donc du 26 novembre au 21 décembre 1988, Soyouz 7 et la station Mir, avec cette fois-ci une sortie extravéhiculaire. Et puis le 25 septembre, départ depuis les États-Unis avec la navette Atlantis. Et donc vous serez sur Mir jusqu'au 5 octobre 1997. Donc voilà, ces 3 grands moments. Petite question tout d'abord, Jean-Luc Chrétien, puisque vous avez expérimenté ces entraînements, ces missions côté soviétique et côté américain. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ces 2 grandes nations spatiales? La grande différence se trouve dans les conditions, dans les moyens dont on dispose, et en particulier des moyens de vie courante. L'activité professionnelle est assez similaire. Mmh. Elle est plus sommaire, plus rustique en Russie, surtout à l'époque. Par contre, les conditions de vie étaient extrêmement différentes. Quand nous sommes arrivés avec Patrick Baudry à la Cité des Étoiles en 1980, on est donc rentré en pension. Je me suis retrouvé à nouveau. À nouveau en pension. On vivait tous en autarcie. Donc il y avait la zone vie, où il y avait les familles et où on se retrouvait le soir. Et puis la zone de travail. Tout ça, c'était fermé par une grande ceinture, bien protégée et inaccessible pour le commun des mortels. Alors qu'à Houston, d'abord, le climat n'était pas le même. Moscou, on a quand même pas mal souffert du changement de climat. J'arrivais du midi de la France. Patrick arrivait de la région de Bordeaux. Et on s'est retrouvé à Moscou. On a vu que c'était quand même pas pareil. À Houston, là, par contre, on a bénéficié du soleil 11 mois sur 12. Et donc, les différences sont surtout sensibles dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'entraînement, de l'apprentissage, des simulations, etc. C'était plus rustique qu'à l'époque en Russie, c'est devenu plus proche maintenant de ce que l'on retrouve aux États-Unis. Là, il n'y a pas vraiment de différence. Mais il y a ces conditions, alors à la fois les entraînements de survie, les exercices de simulation très durs, et puis aussi des préoccupations évidentes pour ceux qui vous envoient dans l'espace, c'est la santé des équipages, une préoccupation majeure. On va entendre justement votre acolyte Michel Tonini nous parler d'une anecdote. Avant les vacances d'été, les médecins russes nous examinent au second hôpital qui est à Moscou et ils trouvent des foyers d'infection au niveau dentaire pour tous les astronautes, y compris nous, et il fallait qu'on enlève des dents devant. Donc moi j'étais voir les dentistes quand je suis rentré en France, il m'a dit mais les dents sont très très bien, il faut rien enlever du tout, il faut rester comme ça. Je téléphone à Jean-Loup, je lui dis qu'est-ce qu'on fait, on enlève pas. Il me dit bon écoute on va attendre un petit peu. Et puis on arrive après les vacances au mois de septembre. La première chose que l'on fait, c'est qu'on va manger à la cantine des astronautes. On voit tous les astronautes étrangers qui manquaient des dents devant. Donc ils avaient tous un sourire avec une dent en moins. Et nous, on avait nos dents, donc il y avait une certaine jalousie par rapport à nous. Et nous, on nous convoque à l'hôpital. On commence à voir le médecin dentiste. Il nous voit avec nos dents entières. Il a dit, mais je vous avais dit absolument de faire enlever ses dents. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors moi, je dis avec un mauvais russe, je dis, moi, je comprends pas très bien le russe, allez voir avec Jean-Loup. J'ai botté en touche, comme on dit. Et après, je dis à Jean-Loup, ça va barder, attention, prépare-toi. Et Jean-Loup était là-bas, il s'est arrangé, il a bien résisté, il a expliqué ça gentiment, il a dit, mais on va encore faire des examens, je pense que nos infections sont légères, ça devrait passer. Et avec beaucoup de diplomatie, on a réussi à passer à travers ces mailles et on a gardé nos dents. Ah oui, vous avez gardé vos dents, heureusement, Jean-Luc Chrétien, mais enfin, résister aux Russes quand même, c'est pas évident. Ah, ils sont aussi têtus que les Bretons. mais bon, là, pas de peau pour eux. Ils étaient tombés sur un Breton, donc c'était. Effectivement, avec un petit peu de diplomatie, certes, mais surtout le fait que parmi les. On était les premiers étrangers occidentaux. Ils avaient eu de cohortes de cosmonautes des pays frères. Et la France était le premier pays, suivi après par l'Agence spatiale européenne. Et donc le premier pays non frère. à venir s'entraîner chez eux. Quelques années avant nous étaient venus aussi des Américains. Les Américains faisaient avec les Russes un vol conjoint, Apollo-Soyouz. Deux véhicules, un russe et un américain, se sont retrouvés dans l'espace dans les années 70, mais chacun chez soi, alors que nous, nous étions chez les Russes. Mais la différence par rapport aux autres a fait en sorte que c'est peut-être ces considérations politiques, en quelque sorte, qui sont passées au-dessus de nos petits talents de diplomates. On devait bien vous aimer là-bas, apparemment. Alors, dites-nous, Jean-Loup Chrétien, donc différents vols, différentes missions, de différentes durées. Vous êtes le premier homme français à partir dans l'espace. Donc, c'est au mois de juin 1982. Racontez-nous déjà un peu, peut-être, votre état d'esprit, parce qu'il faut une certaine capacité, une maîtrise de soi. Mélange de curiosité, d'excitation, d'anxiété, on imagine. Mais surtout, ces phases très précises, hein, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Donc, le vol allait s'effectuer sur Soyouz 6. On a 2 ans pour s'y préparer. Ça fait quand même presque 300 nuits à rêver ou pas rêver de ce que l'on va faire. Ce qui fait que le jour du départ, on est quand même bien préparé. Surtout pour le premier vol, il y a bien sûr une excitation qui se met progressivement en place. On observe beaucoup les autres, enfin ceux qui ont déjà volé, qui sont là, l'équipage avec lequel on part, et puis l'équipage doublure. On regarde comment ces gens-là se comportent. On a une quarantaine à passer à Baïkonour à l'époque, donc c'était pratiquement 15 jours à passer à Baïkonour. Alors c'était pas mal du tout, fin juin, à Baïkonour. Donc on passait pas mal de temps sur la terrasse, c'était sur le sommet du bâtiment. Il y avait un petit côté folklorique dans cette quarantaine. On était entouré de médecins soviétiques qui étaient plus préoccupés par les poissons qui pêchaient dans la rivière qui traversait le désert. Que vos dents, vous en oubliez plus sur ce terrain-là. À l'époque, nos dents, ils avaient oublié. Alors, ce qui fait que le jour du départ, alors, on a quand même cette petite anxiété, ce petit pincement au cœur de l'inconnu. Puis on sait quand même qu'on est assis sur un gros pétard. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est vraiment dans les 9 premières minutes que la phase est la plus critique. Hein, cette propulsion en orbite, l'allumage des feux. C'est très court, donc effectivement 2 ans pour se préparer, ensuite 2 heures assis sur son siège avant la mise à feu, et puis au moment de la mise à feu, donc quand on commence à entendre la personne qui égrène les dernières secondes avant cette mise à feu, donc 10, 9, 8, donc là c'est vrai qu'on sait que c'est parti, presque parti. Et puis quand ça s'allume, tout se met à bouger, tout se met à vibrer, donc là je pense que le rythme cardiaque doit quand même monter un peu, pas forcément très fort, parce qu'on a confiance, et on a eu, je répète, le temps d'y penser. Et après, ça se passe très vite. 9 minutes, un peu moins de 9 minutes, pour partir, pour décoller et arriver en orbite. C'est le temps qu'un avion de ligne met pour monter à 15 000 pieds. Non pas son altitude de croisière, mais l'altitude où on commence à respirer, où il y a moins de turbulences, on sort des nuages, mais il en reste encore au moins 15 derrière pour finir la montée. Donc c'est très très court. Très très court. Et votre capacité à rester zen, vous aviez décidé de la tester. Et c'est votre ami architecte océanographe Jacques Rougerie qui va nous en dire plus justement sur cette façon de contrôler le rythme cardiaque chez vous. Il est au micro de Céline Duchesnay. Cette sérénité de Jean-Loup, c'est incroyable. Il l'avait dit, pour vraiment savoir si je suis stressé ou pas, quand je serai installé dans mon siège, je vais essayer de m'endormir quelques minutes pour voir si je suis stressé ou pas. C'est hallucinant. Quelqu'un qui vous dit je pars, même s'il était déjà parti 2 fois dans l'espace, et qui s'installe dans son siège 3 heures avant, et qui d'un seul coup, donc parce qu'il reste pendant au moins 3 heures, et d'un seul coup, Jean-Loup, pouf, s'endort. Donc tout va bien. On n'en doutait pas, mais tout va bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, dans des moments comme ça, mais je serais excité comme une puce, comme un môme, je serais là, je ne pourrais pas. Ben non, lui, c'est l'inverse. Toc, il s'endort. Hop, il se réveille. Et là, c'est le moment inouï. C'est le décompte à rebours. Vous avez le cœur qui bat. La fusée, d'un seul coup, part. Et puis, vous la suivez. Les secondes s'égrènent. Et vous voyez toujours ce point lumineux, là. Voilà, donc c'est magique, quoi. C'est tout simplement magique. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Alors Jean-Loup Chrétien, là on découvre aussi un de vos amis proches, Jacques Rougerie, architecte océanographe, qui vous connaît bien. Parce que ce monde de l'espace et de la mer sont liés finalement. Ils sont très liés. On s'est rencontré avec Jacques aussitôt après mon premier vol. Et on ne s'est pas quitté depuis. On a fait pas mal de choses ensemble, d'aventures ensemble. Et on est resté très, très proches. Et c'est vrai que ce sont deux mondes qui se côtoient très facilement. Alors, cette anecdote qui raconte. De la sieste. En fait, il y a une très grosse différence entre les vols Soyouz russes et la navette américaine. En ce sens que, surtout pour des pilotes de chasse qui ont été habitués à voler sur des engins où il y a un siège éjectable, donc il y a une sécurité qui est quasi totale maintenant sur ces machines, puisqu'on peut s'éjecter du sol. Donc on est pratiquement dans tout le domaine de vol d'un avion de chasse moderne, on a la possibilité de quitter l'avion s'il y a une situation catastrophique. Le Soyouz russe a été conçu de la même façon. C'est pas un siège qui est éjecté, mais c'est la capsule elle-même qui peut être éjectée. Et c'est arrivé une fois avant le décollage, et c'est arrivé une fois en fin de montée. Et l'équipage russe s'en est très bien tiré. La navette, hélas, n'a pas de cette capacité-là. Et donc ça, on a quand même un petit pincement au cœur, puisque quand on a fait notre vol, c'était bien sûr après l'accident de Challenger. Ah oui, C'était en janvier 1986, hein, 7 morts. Et en 2003, on peut le citer, Columbia, pareil, hein, ce danger des fameux boosters hein, de cette navette, et à nouveau 7 morts. Alors, donc il y a une grosse différence qui, pour nous, n'est pas légère. Et 15 jours avant le vol, les Américains nous font répéter la phase de décollage. Et on est donc dans notre navette, elle est déjà prête, elle est au pas de tir. Et on répète toutes les manœuvres pendant les deux heures où on est installé dans le poste d'équipage. Et puis au moment de l'allumage des moteurs, il y a annulation pour cause de panne fictive. Et tout le monde doit quitter la navette. Ce qui fait que pendant cette préparation, on est à 15 jours du départ. Et c'est vrai qu'on ressasse un peu ces différences. On est quand même là sur un drôle de truc, parce qu'il se passe quelque chose pendant les deux premières minutes, et puis même après, on n'a pas grand-chose pour... Et donc, là, je m'étais dit, le meilleur moyen de voir si je suis assez à l'aise dans 15 jours, quand on sera assis pour de bon sur nos sièges, surtout pendant les dernières 30 minutes, où on n'a pas grand-chose à faire, sera d'essayer de m'endormir. Je suis un bon dormeur, je m'endors facilement, donc j'essaierai. Et effectivement, 10 minutes avant le décollage, alors on est allongé sur les dossiers des sièges, c'est pas très confortable, on a les genoux en l'air, donc c'est comme une chaise qui serait couchée sur le sol, et là je me suis dit, je vais essayer. Et effectivement, je me suis endormi, parce que j'étais réveillé par mon genou droit qui est tombé, je me suis dit, si on peut dormir... C'est que tout va bien. Donc, en tout cas, ces moments les plus critiques, hein, comme vous l'expliquez, Jean-Luc Chrétien, c'est vraiment ces phases dynamiques des vols, la montée et la descente finale. Voilà, c'est les entrées dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un vieux dicton du monde aéronautique qui dit « Il n'y a pas d'atterrissage réussi, il n'y a que des accidents évités hein, ». Ça dit beaucoup. Tout à fait. Alors, l'apesanteur, Jean-Luc Chrétien, ça doit être une sensation, une façon aussi de s'acclimater, de vivre et de travailler avec cette apesanteur. L'apesanteur, on la découvre, premier vol, dès l'instant où les moteurs s'arrêtent, tout se met à flotter, et c'est une sensation assez extraordinaire, qui n'est pas complètement nouvelle, parce que, évidemment, on l'a répété sur des avions spécialement équipés pour faire des entraînements à l'apesanteur, ça dure pas très longtemps, ça dure une vingtaine de secondes, mais cette apesanteur est toujours une source d'étonnement, de facilité, facilité déconcertante, bien sûr. Et alors, on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas. Il y a des moments où elle est dérangeante. Quand on ne sait pas où poser, on ne peut rien poser. Donc, quand il faut ranger quelque chose, quand on est en train de travailler avec des outils, et que les outils, il faut bien les remettre dans des poches, sinon... Sinon, ça part, on les retrouve accrochés au système de filtration de l'air, c'est ça ? Voilà, ce sont des aspirateurs. Donc, les affaires perdues, quoi, à la fin de la mission, on va voir du côté des systèmes de filtration et on récupère ce qu'on a perdu. Même pendant la mission. Ah oui. Alors, plus c'est gros, plus ça met longtemps à arriver dans les filtres. Ouais. Et par contre, les petites vis, les petits trucs comme ça, on les retrouve très vite. Hein. On a compris que vous aviez un double univers et des univers plus secrets aussi, mais plus du côté artistique. On va en prendre la dimension tout de suite en retrouvant Jacques Rougerie. Jean-Loup a plein de jardins secrets et un de ces jardins secrets, justement, et je pense que c'est ce qui aussi lie cette force que j'ai pour lui, c'est que c'est un artiste. C'est quelqu'un qui dessine merveilleusement bien. Jean-Loup, il voit en troisième dimension, bien sûr, mais il dessine, il sait dessiner. Voilà, il écrit merveilleusement bien, il joue de la musique, il joue de l'orgue. Voilà, c'est pas un touche-à-tout, pas du tout, pas du tout. Mais il aime se surpasser, il aime. Donc c'est dans ce sens-là que c'est un héros à la Jules Verne. Un héros à la Jules Verne, c'est joli. Merci, quand même. Jean-Loup Chrétien, votre univers artistique, musical. Alors, il vient de prononcer le mot, l'orgue. Vous avez hésité, je crois, entre deux professions. Hein, c'est astronaute ou joueur d'orgue. Là, j'étais très attiré par la carrière d'organiste Paris, tout jeune. Et puis, ça a divergé, là aussi, à l'occasion d'une rencontre avec un ami de la famille, qui était pilote, ancien pilote de chasse pendant la guerre et qui était pilote d'essai à Bretigny, qui était venu nous voir en 1947 ou 48 et qui m'avait assis dans son avion, un petit avion avec lequel il était venu du centre d'essai en vol. Il m'a dit, écoute, ta mère m'a dit que l'orgue t'attirait beaucoup. Ça, c'est beaucoup mieux. L'orgue, tu oublies, t'es beaucoup trop vieux. Je devais avoir 10 ans ou 11 ans. T'es beaucoup trop vieux. Par contre, pilote, t'es trop jeune. Et alors, pense-y. Et puis, de toute façon, c'est pareil, il y a des boutons partout, il n'y a pas de clavier, mais c'est aussi bien, c'est même mieux, ça vole. Donc voilà, donc ça avait été le virage. Et par contre, dans les années 70, cette attirance était toujours très forte et me torturait beaucoup, puisque le fait de ne pas toucher de clavier d'orgue, de ne pas avoir accès à les orgues, était une très, très grande douleur, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, je m'y suis mis et j'y suis encore. Et là, ce qu'on entend, Jean-Loup Chrétien, c'est le choix de votre professeur Marta Gliosi, parce qu'il faut quand même préciser que aujourd'hui encore, vous prenez des cours au Conservatoire de Brest, et notamment, il s'agit de dialogues sur les grands jeux. Je crois que vous entraînez beaucoup, hein, extrait de la messe pour les couvents de François Couperin, et là, c'est joué par Michel Chapuis. Alors ça vous fait quel effet ? Ah, c'est merveilleux. Là, j'en ai des frissons. C'est les mêmes frissons que j'ai eus dans les années 70, et où là, j'allais très régulièrement à Saint-Maximin en Provence, à Basilique Saint-Maximin en Provence, où j'ai fait la connaissance de l'organiste qui est devenu mon professeur aussi après. Et j'écoutais ces pièces avec beaucoup d'émotion. Un univers finalement musical qui vous fait vibrer autant que l'espace, finalement c'est complémentaire ? C'est complémentaire, c'est différent, il fait vibrer, mais c'est sentimental. L'espace nous fait vibrer, c'est plus comme je pense qu'éprouve un sportif qui, ou un alpiniste ou un marin. On a donc cette vibration qui est sans doute moins esthétique, qui est physique. Là, c'est une vibration totalement spirituel. Et depuis un an et demi, on peut le préciser pour nos auditeurs qui voudraient venir à votre rencontre, vous organisez avec un ami, Jean-Philippe Leprévoux, c'est ça, organiste professionnel, des conférences-concerts autour de l'espace, je crois que ça s'appelle Rêve d'étoiles. Ouais. Et on mettra bien sûr le lien avec toutes les dates et à quel moment on peut vous retrouver dans ces concerts et ces conférences données. Et alors, petite anecdote, c'est vrai que vous aviez emmené un petit orgue électronique sur Mire à un moment, je crois, pour faire un essai qui a été retransmis sur TF1, c'est ça ? Sur TF1, c'était une idée de Michel Chevalet. C'était assez amusant la façon dont ça avait été imaginé. Donc, Michel... 6 mois avant mon deuxième vol, donc de longue durée sur Mir, il dit, ça serait super d'amener un petit instrument là-haut et de faire le premier concert d'orgue de l'espace. Alors les Russes qui avaient modifié un petit peu le lanceur à l'époque, qui avaient beaucoup de réserves d'énergie, donc pouvaient emmener beaucoup plus de poids qu'auparavant, avaient dit, aucun problème, vous pouvez amener. Donc TF1 avait acquis un très beau clavier de grande dimension. Par contre, un mois avant, ils se sont grattés la tête. Ils ont dit, oula, là, quand même, on a été un peu optimiste. Donc, on a rangé ce clavier qui a disparu derrière à Baïkonour. Et on a acquis quelque chose de beaucoup plus modeste, mais qui a permis quand même de faire ce petit clin concert, d'œil. C'est vrai. Concert, vous aviez joué quoi à l'époque ? Les Negro Spiritual. Oh, Wayne the Saints, Go Wayne Marching, Saints, voilà, c'est ça ? Ouais. Bah, oui, parce qu'avec ce truc-là, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Quand même. On va vous faire justement ce petit cadeau aujourd'hui, Jean-Loup Chrétien. Cette chanson est jouée sur un orgue électrique par Marion Williams. Oh, and the saints go marching in. When the saints go marching in, I wanna be Lord in that number. When the saints go marching, marching on in. Wow, when the saints, I said when the saints go marching in. Whoa, when the saints go marching in. I wanna be Lord in your number. Hey, hey. When the saints go marching in. Suite de la marche des sciences sur France Culture en compagnie de Jean-Loup Chrétien, premier français de l'espace. En 1982, le premier non-russe et non-américain à avoir effectué une sortie extra-véhiculaire dans l'espace, c'était en 1988. Son histoire, son parcours, son odyssée étoilée dans cette émission spéciale Grand Portrait, la vie d'un héros de l'espace. C'est le seul français qui a reçu la médaille de héros de l'Union soviétique, et deux fois parce qu'il a fait deux vols. Il était héros aussi parce qu'il était français. Les Français sont extrêmement bien vus. Pour vous donner un exemple, si on allait dans un restaurant, de temps en temps, on allait sortir à Moscou. Dès qu'on arrivait au restaurant, les gens s'arrêtaient de manger. L'orchestre s'arrêtait et mettait une chanson de Joe Dassin. Ils disaient, voilà, c'est en honneur des Français qui nous visitent aujourd'hui. C'est un grand honneur d'avoir des Français dans ton restaurant. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne verrait jamais dans le monde entier. Mais c'est ce qu'on avait comme accueil à cette époque en URSS. Donc c'est vraiment très chaleureux. Même si l'entraînement était dur, ces petits moments où on est valorisé font vraiment du bien. Jean-Loup Chrétien, c'était donc Michel Tonini qui nous racontait ces moments particuliers vécus en ex-URSS, héros de l'Union soviétique, et pour cause, vous aviez donc fait aussi cette sortie extra-véhiculaire, cette mission de novembre-décembre 1988, la station Mir, et donc vous êtes sorti dans l'espace à 400 km au-dessus de la Terre, donc avec un scaphandre, on imagine, qui devient un véritable vaisseau monoplace, et là, il faut faire attention quand même, vous êtes resté 6 heures. C'est 6 heures. Record à l'époque. Hein. C'était le record. En fait, notre sortie ne devait durer que 3 heures et quelques. Et on a eu pas mal de petits problèmes qui se sont accumulés. Et puis, ça s'est terminé par un gros problème, puisqu'on a bien failli ne plus pouvoir rentrer dans la station Mir et rester dehors pour l'éternité. Et donc, c'est un petit peu pour ça que notre sortie a duré si longtemps, et fort heureusement, n'a pas duré l'éternité, elle s'est arrêtée au bout de 6 heures et quelques. Mais c'est vrai que ce sont des moments où vous avez un travail à mener à l'extérieur. Qu'est-ce que vous aviez à faire alors à l'époque? Il y avait un aspect expérience scientifique, avec des petits panneaux d'expérience de matériaux qui étaient disposés sur le corps de la station Mir, mais surtout une expérience technique qui était une grosse antenne qui était dans un conteneur et qui devait se déployer. Et ensuite, on larguait dans l'espace. Et là, cette antenne ne s'est pas déployée la première fois. Donc, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Donc, mon collègue russe, Alexandre Volkov, donc, à plusieurs reprises, a shooté dans le conteneur pour débloquer l'antenne. Et ça a marché, puisqu'elle a fini par sortir. Par contre, on avait perdu beaucoup de temps. Oui. Entre-temps, la ventilation de mon scaphandre était tombée un peu en panne, ce qui fait que progressivement, j'avais une couche d'eau qui se déposait sur ma visière. et qu'au moment où on est rentré dans la pénombre du sas, la couche d'eau est devenue impénétrable et que donc j'y voyais pratiquement plus rien. Mais il fallait fermer ce sas absolument. Il fallait fermer ce sas et donc je m'y suis repris à deux fois, j'allais m'y reprendre à trois fois quand une petite voix à l'intérieur me dit « Oh, c'est... » Non, c'est... Et peut-être que ça coince à cause de telle raison, et là... Et à l'aveugle, vous avez réussi à fermer ce sas, qui n'était d'ailleurs pas facile, hein, c'est, je crois, le système... Là, c'était un sas de secours, c'était pas du tout le sas normal, et fort heureusement que la deuxième fois était la bonne, et que j'ai pas entrepris de recommencer une troisième fois, toujours à l'aveugle, parce que là on était, voilà, on restait dehors. Oui, c'est clair. Et c'est ce que j'aime bien, vous avez une expression, vous dites, on a tous un sac de sable qui se vide au fil des aléas de la vie. Et là, ce jour-là, il s'était grandement vidé quand même. Ah, oui, il y en a beaucoup qui est parti. Ouais. Et c'était l'expression d'un de mes anciens chefs dans l'armée de l'air, qui a dit, chaque pilote naît avec un sac de sable, et chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il pioche dans son sac de sable. Le problème, c'est de savoir quand on arrive au fond et de s'arrêter, de prendre sa retraite. Donc, j'ai trouvé l'expression assez croustillante, surtout à une époque où ça se passait pas aussi bien que maintenant. Alors, notre sac de sable, déjà avec Patrick Baudry, s'était un peu vidé le jour où on avait rencontré un champ de pommes de terre en Bretagne avec notre avion. On était posé quelques minutes après le décollage, donc le moteur a arrêté, et donc là on s'en était sorti indemne, et on a dû vider pas mal de sacs de sable, et la sortie extravéhiculaire, là j'ai dû en vider encore pas mal. Finalement, vous avez vécu l'équivalent des films Gravity et Seul sur Mars dans ces années 80, finalement. Ouais, ouais. Jean-Louis Chrétien, ils sont peut-être inspirés de vos expériences, non? Vous avez été d'ailleurs consulté pour des films cinéma? Pas moi, je pense pas qu'aucun d'entre nous, aucun Français l'ait été. Par contre, les Américains, oui, comme c'est un film américain, ces trois films ont donné lieu à des consultations auprès de membres de la NASA. Alors, je ne sais pas qui et à quel niveau. Pour les trois, ça a été fait. Ouais. Vos héros, à vous? Pierre Clusterman, Yuri Gagarin. Dont on a juste un tout petit extrait de voix. Je crois que dans les fonds de l'INA, on n'a que 10 secondes. Si vous voulez, on peut l'écouter tout de suite. C'était le 12 avril 1961. Voilà, c'est très très court et on mesure la difficulté dans ces années 60 de communiquer même avec la Terre. Mais un héros que vous aviez eu l'occasion de rencontrer? Non, il était décédé quand on est arrivé. Il avait eu son accident d'avion quelques années avant qu'on arrive à Moscou. Ouais. Alors, dans ces années-là, 80, Jean-Louis Chrétien, ces objectifs scientifiques ne sont pas ceux d'aujourd'hui, hein, quand on imagine ces missions spatiales. À l'époque, qu'est-ce que l'on cherchait à mettre au point? Il y a des expériences quoi, astrophysiques, en astronomie, en mécanique, en médecine? Oui, dans le premier et le second vol, et puis la plupart des vols ensuite, on avait grosso modo quatre rubriques principales. En médecine, c'était le système cardiovasculaire. Donc, on avait embarqué, on embarque en fait des échographes, ce qui était une performance au début des années 80. Et puis, le deuxième vol, en ce qui me concerne, on avait des prises de sang, donc toujours pour ce qui est du cardiovasculaire. On avait des expériences dans le domaine neurosensoriel, des expériences sur l'équilibre, les modifications des perceptions sensorielles. Et ensuite, on avait des expériences d'astronomie, d'astrophysique et de cristallographie également pour le premier vol. Et puis, le second vol, ce dont je parlais tout à l'heure, des expériences techniques, donc beaucoup moins scientifiques, puisqu'à l'époque, on avait un programme ambitieux, le programme Hermès, navette spatiale européenne. Donc, on avait embarqué pas mal d'échantillons technologiques à mettre en œuvre pendant mon second vol. Combien de temps est-ce qu'un homme, normalement constitué, peut tenir dans l'espace, c'est-à-dire peut vivre dans une station? Est-ce qu'il y a une limite quand même aujourd'hui? Parce que, si j'ai bien compris, il y a quand même des problèmes de particules lourdes qui sillonnent le cosmos, et que l'homme ne peut pas subir trop longtemps ce risque avec les particules lourdes, c'est ça? Alors ça? Oui, tout à fait. Les rayonnements cosmiques, et ceux de notre Soleil, déjà, et puis les particules lourdes qui se promènent dans l'univers, qui se promènent dans le cosmos, tout ça nous bombarde. Alors on a des senseurs, on a des dosimètres qui permettent de savoir de combien on a été bombardé. Et les Américains ont établi des normes pour leurs astronautes. Un astronaute jeune, alors c'est un petit peu sordide tout ça, monsieur. Un astronaute jeune n'a droit qu'à, je ne sais plus, 6 mois ou peut-être un an au total dans sa carrière d'astronaute. Un astronaute vieux peut aller plus loin. Alors pourquoi ? L'astronaute jeune risque, et le vieux aussi, de développer, je crois que c'est sur une période de 25 ans à peu près, des débuts de problèmes de cancer liés aux radiations. Donc s'il a 25 ans le jour où il a fait son vol, ça fera 50 ans, donc c'est encore jeune. Donc faut pas l'exposer trop. Le vieux, c'est moins grave. L'astronaute de 60 ans, il aura 85 ans le jour où ça va commencer. Donc il sera à un stade de... Donc c'est assez sordide. Mais la règle était... c'est une logique incontournable. Oui. Donc les vols de longue durée, les plus longs qui aient été effectués par Valéry Polyakov et... 15 mois, à ma connaissance, un vol de 15 mois. Oui. Et d'ailleurs, on se rend compte aussi, par exemple, il y avait un mini potager sur Mir. Il était facile de se rendre compte que si des plantes avaient été percutées par des particules lourdes, soit elles mouraient, soit elles se développaient bizarrement, part. Oui. Et d'ailleurs, je le précise, le 19 janvier dernier, donc 19 janvier 2016, il y a eu l'annonce faite par la Cité de l'Espace à Toulouse de l'éclosion d'une fleur dans la station internationale ISS. Notre collègue Scott Kelly, qui est le premier Américain qui va faire un vol de un an, et donc il va rentrer d'ailleurs bientôt, en mars si je ne me trompe, après avoir bouclé donc, un vol de très longue durée pour un Américain. Et il a fait, il a réussi à développer cette fleur pendant son vol. Que l'on pourra voir sur la page Facebook de l'émission, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Eh bien, justement, on va basculer maintenant sur votre rôle après ce temps de l'espace. Voilà, vous avez choisi de rester auprès de la NASA et de les aider à mettre au point différents systèmes. C'est Michel Tonini qui va nous en parler plus précisément. Il fait partie du noyau de personnes qui a vraiment aidé au futur de l'espace. Si cette station spatiale internationale qui a été faite principalement entre les Russes et les Américains, si elle existe aujourd'hui, c'est grâce à la volonté, bien sûr, des Américains et des Russes, mais c'est surtout grâce quand même à l'effort qu'a fait Jean-Loup de bien aider les Américains. Quand on était à l'entraînement à la NASA, qui était un entraînement difficile, il allait quand même, en plus, le samedi matin, à des réunions spéciales qu'il y avait au niveau des grands directeurs de la NASA pour être présent, pour savoir ce qui se passait, pour intervenir, pour aider dans cette station spatiale. Donc il a vraiment fait un travail qui n'est pas toujours bien senti, mais qui était très important parce que ces grands programmes-là se font pour des visions scientifiques importantes, mais se font surtout grâce à une confiance qui est faite entre des petits groupes de personnes. Et cette confiance, quand elle est faite, elle s'acquiert jour après jour, c'est une confiance qui s'acquiert, qui est longue à acquérir, mais une fois qu'elle est acquise, elle permet de débloquer les phénomènes qui stoppent les grands programmes. Et c'est, je pense que Jean-Loup a vraiment aidé pour cette station spatiale internationale. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Une réaction. Merci Michel. Oui, j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. C'était d'autant plus que les Américains qui m'avaient invité à venir les aider en 1994, et donc nous ont permis à Michel et moi de rester ensuite et d'avoir une formation en même temps que les astronautes américains, donc formation professionnelle des astronautes américains. Et quand en 98, notre ministre m'a dit « vous avez 60 ans, faut quitter, faut prendre votre retraite », et les Américains, très gentiment, m'ont dit « chez nous, il n'y a pas d'âge de retraite si jeune, donc vous pouvez rester chez nous ». Et donc, je répète, j'ai eu plaisir à continuer à participer au développement de ce programme et apporter tout ce que je pouvais, ne serait-ce que pour les remercier de m'avoir gardé dans leur rang. Alors aujourd'hui, quand vous jetez un regard sur les projets spatiaux de demain, donc il y a eu, j'ai envie de dire, le temps des robots aussi, qu'on a expérimenté, qu'on va continuer d'utiliser bien sûr, mais on parle d'un village lunaire pour un retour des hommes vers 2025, alors qu'aucun homme n'a plus foulé le sol de la Lune depuis 1972. Ça, c'est le prochain grand projet. Alors, il y a beaucoup de projets. Nous sommes des explorateurs, c'est dans nos gènes. L'homme est un explorateur. il devient explorateur, je pense même le jour de sa conception. C'est-à-dire que avant d'être conçu, nous sommes immortels, et puis le jour où nos parents décident de nous fabriquer, nous devenons mortels, le compte à rebours a commencé, et donc il va falloir lutter pour survivre. Et pour ça, il faut explorer. Donc c'est dans nos gènes, l'explorateur est dans nos gènes. Alors les robots, on en parle tout le temps, c'est merveilleux puisque c'est de plus en plus perfectionné, mais les robots resteront un outil destiné à préparer l'exploration de l'homme, parce que l'homme voudra toujours continuer à explorer. Alors, il y a une catégorie d'explorateurs effrénés, d'explorateurs têtus, et puis il y en a d'autres qui le sont moins, hein, qui ne le sont pas du tout, mais il en restera toujours suffisamment pour faire en sorte que ces choses-là continuent. Et ce village sur la Lune, alors, est-ce qu'il va se faire, est-ce que ce sera autre chose, mais c'est incontournable d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, de visiter le système solaire. Sinon, le progrès s'arrêtera et nous nous arrêterons complètement. Alors, vous ne pouvez pas oublier, en tout cas, ces instants, avoir contemplé la voûte céleste éclairée par ces milliards d'étoiles, les nébuleuses, avoir vu la Terre et les myriades de lumières allumées à sa surface. C'est des moments très forts. On doit certainement avoir un peu un manque, hein, ou être à la recherche de ce ressenti et même de l'apesanteur. Celui qui va dévoiler un autre moment de votre vie, c'est Jacques Rougerie. Un jour, on a été plongé avec Volodya Titov, l'homme qui avait été un an dans l'espace. Et Jean-Loup, c'était en Martinique, à l'île aux Pigeons. La mer était d'huile depuis plusieurs jours. Et on a dit, on va faire une plongée de nuit. Et c'était un jour de pleine lune. Et donc, on a été plongé. Je vois Jean-Loup et Volodya se mettre à l'envers, donc sous l'eau, par moins 10 mètres ou 15 mètres, je ne me rappelle plus la profondeur. Et puis, ils se retournent comme ça. Et ils contemplaient sous l'eau la lune, donc. Et donc, je me mets dans la même position. Et d'un seul coup, je comprends pourquoi ils font ça. C'est qu'ils ressentaient les mêmes sensations que quand ils étaient dans l'espace. Ils se trouvaient en apesanteur. Et comme l'eau était très, très claire, donc on voyait la lune. Et donc, c'est vrai que d'un seul coup, c'est la première fois, et ça m'est jamais arrivé après aussi fort, de ressentir, j'avais l'impression d'être avec eux dans l'espace. Très bonne comparaison, effectivement, dans l'eau, en plongée, on est en apesanteur. Et c'est utilisé pour l'entraînement, puisqu'on a des grandes piscines à Moscou, à Houston, des grandes piscines qui permettent de simuler l'apesanteur. Et ce petit clin d'œil avait été effectivement assez mémorable. Et ça, vous continuez à pratiquer ou la plongée ou, vous êtes sportif, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, on ne peut pas tout dire sur vous dans cette heure d'émission, Jean-Loup Chrétien, mais je sais que vous pratiquez beaucoup de sport. Je fais beaucoup de ski, alors, je faisais beaucoup de funboard à une époque. J'essaie de garder une activité physique forcée parce que je sais que c'est essentiel, ça nous est essentiel à tous. Au maintien de la machine. Au maintien de la machine. La plongée, ça fait un moment que j'en ai plus fait. Ça vous manque pas? Alors la pesanteur, vous le ressentez comment dans votre tête? Oh, la pesanteur, ça arrive en avion. Hein. Allez, le rituel de l'émission, le temps des questions. Une question vous est posée par Michel Tonini. Depuis 30 ans qu'on se connaît, ou depuis que tu as fait cette carrière d'astronaute, depuis les années 80, si tu avais à refaire les choses, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ah, c'est ouais, une bonne question, mais j'estime avoir été pas mal gâté, donc recommencer la même chose, mais surtout aller sur une autre planète, parce qu'on a tous cette ambition. Et marcher sur une autre planète peut-être, hein, parce que planète, vous ne l'avez pas fait. Hein. Ça, c'est le fin du fin. Il n'y a quand même que 12 hommes dans l'humanité qui ont mis le pied sur une autre planète, sur la Lune. On a l'occasion encore de temps à autre de les rencontrer, et on ne veut pas les inonder de questions, les pauvres. Mais on aimerait bien se rajouter sur la liste. Allez, dernière question, Jacques Rougerie. Jean-Loup, tu m'as montré, j'ai vu depuis tant d'années, quelques-uns de tes dessins dans tes carnets, que j'ai trouvé fantastiques. Tu pourrais pas faire une exposition sur tes dessins, hein? Ce que je te propose, réponds-moi. On pourrait organiser ça, je trouverais fantastique, tu vois, comme Léonov. Bon, lui, c'est la peinture, toi, c'est des dessins au crayon. Ce serait superbe de montrer que ces grandes conquêtes, la conquête de l'espace ou du monde sous-marin, a besoin d'être accompagnée par des artistes dont tu es. Bonne question, Jaco. Le fichier dans lequel j'ai mes dessins, hélas, je ne sais plus où il est. Donc il faudrait que je le refasse, ça c'est toujours possible. Et puis il faudrait que je retrouve, quand j'étais à Orange, l'escadre de chasse d'Orange, j'étais affecté à ce qu'on appelle le cahier de marche, et j'étais donc chargé de faire des dessins, théoriquement tous les jours, alors c'était plutôt tous les mois, et on me tirait un peu l'oreille. Mais donc ces dessins, je dois pouvoir les retrouver. Et peut-être du coup une exposition, un livre, qui sait, on aura le plaisir de vous réinviter dans ce cas-là, Jean-Loup Chrétien. En tout cas, vous êtes aussi un passeur de savoir, d'expérience, de rêve. Hein. Vous êtes beaucoup intervenu dans les écoles, auprès des élèves, vous le faites toujours ? Oui, des conférences et dans les écoles, ça arrive, des conférences ailleurs bien sûr que dans les écoles, mais en école, un peu à tous les niveaux, en université. Le rêve continue à passer, donc je crois qu'on le doit à ceux qui ont envie de rêver. Oui, parce que c'est vrai que garder encore une place pour les rêves des enfants, ça c'est une formidable capacité quand on est adulte et qu'on continue à rêver aussi comme un enfant, mais en sachant que ces rêves peuvent aboutir à des destins insoupçonnés comme le vôtre. Alors quels conseils vous leur donnez et quelles qualités il faut avoir ? Alors, la première, en ce qui me concerne, je pense, c'est d'être curieux. Ça c'est... essentiel, être curieux, avoir envie de toucher un peu à tout, mais de connaître un maximum de choses sur un peu de tout. Et puis ensuite, être patient. Et enfin, d'être en permanence en compétition avec soi-même. Non pas la compétition avec les autres, c'est pas forcément... on n'en a pas besoin de celle-là, au moins au temps de ses études. Mais être en compétition avec soi-même, c'est toujours vouloir, le soir quand on se couche, se dire « demain je ferai mieux ce que j'ai fait aujourd'hui ». Dans tous les domaines où on sait que cette compétition est importante. Alors on arrive au terme de cette émission, Jean-Loup Chrétien, et avant de nous quitter, je vous propose justement d'écouter ce message que vous aviez diffusé, alors non pas aux élèves, en même temps tout le monde pouvait l'entendre, mais juste avant l'envol, en 1982, juin 1982, ce premier départ depuis le poste de pilotage sur le Soyouz 6, donc voici ce que vous aviez dit. Une centaine d'hommes nous a déjà précédés dans l'espace, d'autres nous suivront à la recherche d'une nouvelle dimension pour l'activité humaine. Je suis fier d'apporter ma contribution à cette grande aventure de l'humanité. J'exprime ma reconnaissance aux équipes de chercheurs, d'ingénieurs et techniciens français et soviétiques qui ont tant œuvré pour préparer cette mission scientifique. Je souhaite que ce vol conjoint soit un témoignage d'espoir et de compréhension pour les relations entre les hommes et les pays de la Terre. Le message que j'emporte dans l'espace, reproduit sur l'un des emblèmes de mon scaphandre, est la devise de notre pays. Liberté, égalité, fraternité. Superbe, c'est toujours votre devise ? Ah, c'est la devise de la France et c'est une belle devise. Et je reste fier de l'avoir partagée avec nos collègues russes, qu'on a un petit peu tendance à oublier. Et je crois que ça se réveille régulièrement. Les Russes aiment beaucoup les Français, mais les Français aiment les Russes aussi. Merci Jean-Loup Chrétien. Je rappelle le titre du livre dans lequel on peut vivre toute votre aventure, Rêve d'étoiles, un livre écrit avec Catherine Alric, édité chez Alphée. Et puis il y a aussi vos concerts, hein, Rêve d'étoiles. Toutes les informations et les liens vous concernant sont à retrouver sur notre site franceculture.fr, à la page de la Marche des Sciences. Et vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter et Facebook. Merci à vous. Merci. Et c'est la fin de cette Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jacques Rougerie et Michel Tonini et à Céline Duchesnay qui nous a proposé ces interviews formidables. Merci à toute l'équipe, Catherine Donnet, Anaïs Morales pour les archives, sans oublier Sophie Gillery et Hervé Evano de Lina, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique Anthony Thomasson. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Patrick Thor et de Jean Gaillon pour entrer dans le monde et l'actualité de Darwin. D'ici là, demain, autre rendez-vous de Culture Science à 14h. Michel Albert-Ganti et Sciences Publiques, son thème, les objets connectés vont-ils améliorer notre santé ? Et dans un instant, à 17h, c'est la suite des programmes avec Hervé Gardette.